Oi! Wer man hat was Management Mafio aus? Wer man hat Schinsen am Lenzen? Wer man tut das in Banten? Telefon am Abakalasson in der Samedi Soi? Et man hat auch gagné qui parle de lui? Lui! Qu'elle te parle souvent de lui, elle est triste ou nette quand elle est fâchée avec lui. Non, quand il est devant chez elle, elle a révélé chez lui. Le truc c'est qu'elle est trop fatiguée quand elle sort de chez lui. Il lui propose de coucou neuf tout de suite, elle dit oui. Tu l'as appelé il y a 6 minutes, elle t'a dit non, j'ai pas envie. Facebook merci, soit une justice, mais c'est qui lui. Elle te répond, il s'appelle Lion Gondal, Mr. Lion aka Mr. Fourreur. Fourreur d'une seule, Alan, fourreur de plusieurs. Tu l'appelles, il répond, te dit, quelle que soit l'heure. Allô, j'ai besoin de toi, j'arrive. Il a crié, mais pour m'en fouer. C'est vrai, qu'elle te parle souvent de lui. Elle est triste ou nette quand elle est fâchée avec lui. Elle pète les plombs si tu dis une bêtise sous lui. Tu devrais te méfier de lui si c'est la femme de ta vie. Elle aime ses lèvres, sa langue et ses fesses. Une amie à ton hypecto, elle le trouve sexe. Et avec elle au loin, lui fait des gestes. Mais c'est quand du suspect là. En fait, eh ben ouais. L'appelle, elle te dit je suis occupé. Quand elle lui parle de toi, elle dit qu'elle a le couplet. Tu me conduis dans la roue et tu décides de l'appeler. Et tu lui demandes pourquoi ça va quand même, Gakouille. Gakouille, moi pour m'en fouer ça va. Fouer ça va, fouer ça va. Gakouille, moi pour m'en fouer ça va. Fouer ça va, fouer ça va. Bouga dit moi, quitte tu me bailles. Que ni toi, moi, il faut qu'on flex. Quand y'a que madame aille. Quand madame aille parler, ouais, y'a qui m'aille lui. Ouais, que si ça continue comme ça, en fait, ça qui est fini mal. Habit à vote. En foutant en lui, c'est ma mère qui passe à combler pour mes mecs, les jouer les actes. Et puis, en plus, ça testait ma mort calor. Esquive-toi de gauche, chaque haut, on mette des chocs. Chien, kakou et des yes, chat. Abra, chat, kakou et des yes. C'est un rat, parce que chat, t'es kakou et des yes, moi. Kakou et des yes, moi, c'est un rat, aristocrate. Devant de l'heure, ton fromage. Mais ta femme à quatre pattes, et tu vivras sous ma queue dans les parages. Niga crié moi pour m'en fouer sa baille, fouer sa baille, fouer sa baille. Manika crié mafio pour y fouer sa baille, fouer sa baille, fouer sa baille. Manika crié du was pour y fouer sa baille, fouer sa baille, fouer sa baille. Ga crié moi, niga crié moi, niga crié moi pour m'en fouer sa baille. Oui, c'est fou avec ma mie, c'est fou. Oui, c'est fou avec ma mie, c'est fou. Oui, c'est fou avec ma mie, c'est fou. Oui, c'est fou. C'est fou comme un mis, c'est fou, mais c'est fou comme un mis, c'est fou. Pas comprendre, mais c'est fou.